Alors, bienvenue dans la suite de notre série intitulée « Rénovation, un été pour se restaurer ». Nous le savons, l'été, nous le disions la semaine passée, c'est le temps des rénovations de maisons, des rafraîchissements d'intérieur, des réfections de peinture, des nettoyages en tout genre. Bref, on rénove, on enlève du vieux pour mettre du neuf. Et on s'est demandé la semaine dernière comment nous allions investir cet été pour nous rénover intérieurement. Et pour rénover quoi ? La première prédication dimanche dernier portait sur notre corps. Oui, c'est le premier lieu qui a besoin de nos soins et surtout de nos soins adaptés, adaptés à nos besoins réels. Et non pas pour plaire aux autres ou pour correspondre à je ne sais quel standard. Il s'agit bien de répondre à nos besoins physiologiques. On avait évoqué le sommeil, la nourriture et la détente par le sport. Tout ça pour être présent à nous-mêmes, pour être présent à cette créature unique que nous sommes et que Dieu continue de créer. Alors j'espère que vous en avez profité un petit peu la semaine passée. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'aller à une partie de pêche avec Père Alexandre et on a ramené à tous les deux une vingtaine de truites. Je vous donne des exemples, hein, si vous cherchez des exemples. Comment vous refaire ? J'essaie d'appliquer ce que je vous dis. Aujourd'hui, on va aborder une autre thématique. La liturgie nous offre des passages de l'Écriture qui nous invitent apparemment à moins à recevoir qu'à donner. C'est la figure du Samaritain en voyage. Peut-être d'ailleurs que ce Samaritain était aussi en vacances, en voyage à l'étranger d'ailleurs. Il n'était pas en Samarie, il était sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et qui, bien qu'en vacances, à l'étranger, il s'est laissé tout de même déranger par cette loi inscrite dans son cœur, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Mais est-ce bien un message adapté au temps des vacances ? Les vacances, n'est-ce pas plutôt le moment de ne pas se laisser déranger, alors que toute l'année déjà on ne cesse de l'être ? Est-ce que les vacances ne doivent pas être ce moment privilégié où enfin je peux me faire plaisir et prendre soin de moi. Oui, me faire plaisir. Car le plaisir vient produire en moi une réelle satisfaction. Il vient me restaurer, me régénérer, me rendre heureux, me faire goûter à une certaine plénitude. Alors le bon Samaritain, on va le mettre, oui, vraiment en vacances. On va le laisser là où il est et on le retrouvera à la rentrée. Ça peut être un peu notre tendance, en accueillant cette parole de Dieu au milieu de ce temps d'été, de ce temps de vacances pour certains. Alors pourquoi raisonnons-nous ainsi ? D'abord parce qu'on a raison. Et nous avons doublement raison, ce que nous ressentons est vrai. Oui, nous avons raison car le plaisir est bon et réparateur. La jouissance, c'est un mécanisme naturel et bon qui est généré par de nombreux effets et mécanismes neurobiologiques que je ne suis pas habilité à vous expliquer, que je pense qu'il y a des médecins dans l'Assemblée qui seraient plus à l'aise pour en parler. Mais dans tous les cas, la jouissance et le plaisir sont une juste récompense, une satisfaction, et ils sont ainsi restaurateurs. Et ils génèrent du bien-être et donc du bonheur. Donc oui, nous avons raison, le plaisir, c'est bon. Nous avons aussi raison de constater que, comme nous le lisions dans ce passage du bon Samaritain que nous connaissons bien, nous réalisons que exercer la charité, l'amour du prochain, cela demande un renoncement. Et le Samaritain nous en a donné l'exemple, il a dû laisser de côté son roadbook, s'arrêter, donner un peu de son vin et de son huile, conduire le blessé à l'auberge, et dépenser au moins 2 pièces d'argent, puisqu'il nous dit qu'il sera prêt à donner le reste quand il reviendra. Donc la charité, ça coûte. Ça peut même coûter un peu, voire cher. Renoncer à quelque chose, cela génère un dérangement, et cela est vrai. Nous devons l'accueillir. Mais là où nous n'avons pas raison et là où nous nous trompons, c'est lorsque nous voulons évacuer le bon samaritain de nos vacances sous prétexte que nous opposons renoncement et plaisir. Nous n'arrivons pas à concilier, du moins intellectuellement, renoncement et plaisir. Parce que lorsque nous pensons renoncement, nous pensons souffrance, privation, déplaisir. Mais regardons cette parabole d'un peu plus près. Et regardons ces trois hommes de la parabole. J'aurais envie de modifier légèrement la question de Jésus. Lequel des trois, à ton avis, a été le plus heureux? Le prêtre, le lévite ou le samaritain? Vous diriez qui? On pense bien que c'est le samaritain. Donc renoncer n'est pas forcément source de malheur. Le samaritain nous le montre. Renoncer, ça peut faire du bien, contrairement à ce que trop souvent nous croyons. Ou en tout cas, renoncer librement, cela génère du plaisir. Et même de manière générale, tout acte libre génère une part de plaisir. Et je voudrais résumer un acte libre, en 4 notions toutes simples. C'est saint Thomas d'Aquin, le patron de notre paroisse, qui nous a enseigné cela. L'acte libre, il suppose un objectif, il suppose que je prenne des moyens, il suppose que je renonce à des choses pour tenir dans mes moyens, et il suppose un fruit qui, généralement, quand l'objectif est atteint, est du plaisir. Le fruit que je récolte lorsque j'atteins mon objectif, c'est du plaisir. Tous ces éléments-là, objectif, le renoncement, les moyens, le renoncement et le plaisir, le fruit, font partie d'un acte libre. Alors pourquoi est-ce que nous les opposons? Pourquoi est-ce que nous opposons renoncement, et plaisir? Bien parce que souvent, il se peut que nous vivions mal tel ou tel aspect de cet acte libre. Par exemple, lorsque nous déconnectons le renoncement de l'acte dans lequel il est intégré. Je m'explique. Plutôt que de choisir à renoncer, je subis le renoncement. Prenons un exemple. C'est dimanche. Ah zut, faut que j'aille à la messe. Or, j'avais une super partie de soccer à regarder à la TV. D'ailleurs, je l'ai manqué cet après-midi. Je ne sais même pas le résultat. Alors, c'est dommage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je subis ce renoncement de ne pas pouvoir regarder mon parti de soccer à la TV? Ou est-ce que je choisis de vivre ce que j'ai à vivre et de venir à la messe? Lorsque je subis un renoncement, je le vis mal, je n'éprouve aucun plaisir. Et souvent les renoncements, on en a peur et on les connote comme déplaisir, souffrance et tout ça, parce que nous ne les choisissons pas. Je vis le renoncement, mais il n'est pas intégré dans l'acte complet, l'acte libre qui mène au plaisir. Je déconnecte les deux. Alors quand on vit tout le temps comme ça, on est dans le devoir, l'obligation, il faut que, je dois, c'est la loi, on m'a dit que, et je ne suis que trop peu libre. Une autre situation qui fait que nous opposons renoncement et plaisir, c'est lorsque précisément, cette fois, nous déconnectons le plaisir de l'acte libre. Tout à l'heure, on a déconnecté le renoncement de l'acte libre. Là, on déconnecte le plaisir. Ça veut dire que on va pas choisir tout l'acte libre, on va choisir juste le plaisir. On va choisir la fin de l'acte libre. Objectif, moyen, renoncement, plaisir. C'est juste ça qu'on va voir. Prenons l'exemple d'un bon dessert au chocolat, un bon gâteau au chocolat, que vous avez décidé de faire pour couronner un beau festin de famille. Sauf que le gâteau est tellement appétissant que, avant même d'arriver sur la table à la fin du bon dîner de famille, il en manquera déjà une part. C'est plate. J'ai vu le plaisir de goûter à ce bon gâteau au chocolat et je l'ai déconnecté de tout le sens que ce gâteau avait. Il était là comme la cerise sur le sundae pour couronner ce festin de famille. J'ai pas pu me maîtriser. Je me suis jeté dessus et j'en ai empiffré la moitié. Alors là, nous avons un exemple typique de acte par lequel nous déconnectons le plaisir de tout l'acte libre dans lequel il était inséré. Il avait sa place, le plaisir. Sauf que on a juste pris le plaisir et on a évacué le reste. Ça, nous faisons ça dans, malheureusement, beaucoup de domaines. Lorsque je vais écouter un bon film tout seul, lorsque je vais boire une bonne bouteille tout seul, lorsque je vais chercher une jouissance sexuelle tout seul, lorsque je vais chercher à jouer sur des jeux vidéo tout seul, ou je vais me perdre pendant des heures sur Facebook tout seul. Enfin, officiellement, je ne suis pas tout seul, il y a plein d'amis, mais on sait bien que je suis quand même tout seul. Vous voyez où je veux en venir ? Nous cherchons le plaisir pour le plaisir. Ça amène à quoi ? Vous le savez aussi bien que moi, ça amène à l'addiction, qui est le plus grand piège du plaisir pour lui-même, puisqu'il en demande toujours plus. Notre cerveau demande qu'il y ait toujours une excitation plus grande, toujours plus grande et sans cesse plus grande, et ça nous fait rentrer dans une spirale infernale. On en a toujours plus besoin et on devient prisonnier. Je voudrais citer un petit passage lumineux que j'ai découvert dans Amoris Laetitia du pape François, où il s'adresse aux couples, aux familles, mais ça s'adresse à chacun de nous. Quand la recherche du plaisir est obsessionnelle, elle nous enferme dans une seule chose et nous empêche de trouver un autre genre de satisfaction. Je vous la relis. Quand la recherche du plaisir est obsessionnelle, elle nous enferme dans une seule chose et nous empêche de trouver un autre genre de satisfaction. Autrement dit, lorsque nous cherchons le plaisir pour le plaisir devient un tyran et nous empêche de trouver du bonheur à côté de lui. Le plaisir recherché pour lui-même veut prendre toute la place, et il n'y a plus de place pour autre chose. Alors, frères et sœurs, comment avancer avec tout cela ? Eh bien, le Deutéronome nous donne tout le sens de la loi de l'amour et de la loi du renoncement en nous disant « Oui, cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas au-delà des mers, elle est tout près de toi. Cette parole, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. » La loi de Dieu, la loi de l'amour et du renoncement qui est intégrée dans cet amour, elle est au plus intime de nous-mêmes. Elle est à la racine de tout acte libre, de toute décision que nous voulons prendre, de tout objectif que nous nous fixons, de tous les moyens que nous prenons pour atteindre cet objectif, de tous les renoncements que nous prenons pour tenir les moyens pour atteindre l'objectif et du plaisir que nous vivons lorsque nous avons atteint cet objectif. C'est la racine. Cette loi, elle est là. Elle est au cœur de tout. Alors, qu'est-ce que ça vient faire avec notre réflexion sur le temps des vacances ? Ben, c'est très simple. Comment allons-nous vivre ces vacances, pour ceux qui en auront, ou au moins ce temps estival ? Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que je veux ? Quel objectif je me donne pour ce temps de vacances ? C'est très simple. Si je ne me donne pas d'objectif, je vais mal choisir. En fait, je ne vais rien choisir, ça veut dire que je vais être dans des attentes démesurées. Je vais demander à des vacances ce qu'elles ne peuvent pas me procurer, donc je vais être insatisfait. Ou bien je vais être dans une sorte de devoir, subir les vacances en famille, et ça va être encore atroce, comme d'habitude, à la fin de chaque vacances. Qu'est-ce que je veux vivre pendant ce temps de vacances, avec les gens avec qui je serai, ma famille, pas ma famille, des amis ? Qu'est-ce que je vais vivre pendant ce temps ? Combien de temps ? Qu'est-ce que je me donne comme objectif ? C'est quoi que je porte à l'intérieur de moi ? On doit redécouvrir, frères et sœurs, le sens et la puissance de l'objectif et donc de tout l'acte libre qui se déploie lorsque nous donnons des objectifs dans notre vie. Trop souvent, nous nous laissons mener, guider par des plaisirs ou bien à l'inverse, cadrer par des devoirs. Mais le chemin, frères et sœurs, il est au milieu. Il est dans la liberté. Alors, portons à cœur cette réflexion. Quand on est en famille, on peut la porter en famille et se dire avec les enfants, qu'est-ce qu'on va vivre pendant ce temps de vacances? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Et je peux vous garantir que vous aurez de belles choses à raconter à ceux qui vous demanderont, alors ces vacances, c'était comment? Et j'invite spécialement les JMJistes qui vont partir en pèlerinage la semaine prochaine à se demander maintenant quel objectif ils ont pour vivre ce temps. Qu'est-ce qu'ils veulent vivre durant ce temps de pèlerinage auprès du Saint-Père avec des milliers de jeunes ?